Le journal d'internet sud-coréen Omainews a critiqué l'inégalité et l'illégitimité de l'arrangement spécial sur la côte Par pour le maintien des forces américaines, suivant l'accord administratif américano-sud-coréen. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen Tongilnews fait savoir que le 13 courant, les formations civiles de Daejeon ont tenu devant la statue de la Fête de la paix à Daejeon le meeting de mercredi en faveur du règlement correct du problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et pour la paix de la péninsule coréenne et condamné le gouvernement pakonais d'avoir fermé les yeux aux crimes de domination coloniale de l'impérialisme japonais avec la convention asservissante du problème d'esclavage sexuel.